Frédéric jugea leur adieu une dernière moquerie. Il était déterminé à ne jamais revenir dans cette maison, à ne plus fréquenter tous ces gens-là. Il croyait les avoir blessés, ne sachant pas quel large fond d'indifférence le monde possède. Ces femmes surtout l'indignaient, pas une qui l'eût soutenu, même du regard. Il leur en voulait de ne pas les avoir émues. Quant à Madame d'Ambreuse, il trouvait quelque chose à la fois de langoureux et de sec, qui empêchait de la définir par une formule. Avait-elle un amant? Quel amant? Était-ce le diplomate ou un autre? Martinon, peut-être. Impossible. Cependant, il éprouvait une espèce de jalousie contre lui et envers elle une malveillance inexplicable. Dussardier, venu ce soir-là comme d'habitude, l'attendait. Frédéric avait le cœur gonflé. Il le dégorgea et ses griefs, bien que vagues et difficiles à comprendre, attristèrent le brave commis. Il se plaignait même de son isolement. Dussardier, en hésitant un peu, proposa de se rendre chez Deslauriers. Frédéric, au nom de l'avocat, fut pris par un besoin extrême de le revoir. Sa solitude intellectuelle était profonde, et la compagnie de Dussardier insuffisante. Il lui répondit d'arranger les choses comme il voudrait. Deslauriers également sentait, depuis leur brouille, une privation dans sa vie. Il céda sans peine à des avances cordiales. Tous deux s'embrassèrent, puis se mirent à causer de choses indifférentes.